Are you ready? Let's go! Rail suprême. Deux heures, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Comme chaque dimanche soir, on a rendez-vous avec DJ Case de retour. Comment va? Très très bien. Nouvelle semaine qui s'ouvre. Enfin, il y en a certains qui vont encore rester un petit peu en vacances. Eh ouais, c'est les vacances là. Donc vous pouvez veiller tard ceux qui ont la chance d'être en vacances. Sinon, pour les autres, courage. Là, on est parti pour une heure de son. Qu'est-ce qui se passe ce soir dans Rail Suprême? Ce soir, il y a deux heures de son mixées avec des nouveautés. Festif, ambiance pendant deux heures, comme d'hab. La folie totale. On change pas une formule qui marche. Avec le hashtag Rail Suprême sur Skyrock, vous balancez vos messages. N'hésitez pas aussi sur Skyrock. DJ Case. Yes. Tu es prêt? Bah ouais, moi je suis prêt. Allez, coup d'envoi, c'est parti. Rail Suprême. Minuit, deux heures. Avec Fred et DJ Case sur Skyrock. Je suis à Miami. Ce soir ça va grailler. Rentre dans la piste. Oui, ce soir t'es ma sister. Y'a de la weed, y'a du kedja. On va se mettre bien sur un yacht. J'vais claquer tout ma paye, tout mon P9. Oh oui, au pays des ténèbres. Foncez dans le bar avec Ali, j'l'emmène au pays des merdes. Des omnidas au bilan de la veille. Pose pas trop de questions, oui, suis-moi ma belle. Oui, y'a du champagne, du whisky, de la vodka. De quoi te donner la migraine au réveil. Toutes les nuits, c'est la même. La mélodie du chétan s'amène. La go est tellement nebo, j'suis à deux doigts du crime passionnel. Toutes les nuits, c'est la même. La mélodie du chétan s'amène. Attrapez la petite, dites-lui que t'es sur platine. Toutes les nuits c'est la même. La mélodie du chétan s'amène. La go est tellement nebo, j'suis à deux doigts du crime passionnel. Toutes les nuits c'est la même. La mélodie du chétan s'amène. La go est tellement nebo, j'suis à deux doigts du crime passionnel. Salut tout le monde, c'est DJ K.A. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Partout, y'a des petits gantés, y'a des fous partout, y'a des petits gantés, y'a des fous partout, y'a des petits gantés, je suis fier de mon parcours, je joue pas le brigandé, y'a des fous partout, y'a des petits gantés, je suis fier de mon parcours, je joue pas le brigandé, au quartier c'est la merde, oui viens on fait la malle. Calme en bord de mer, qu'on kiffe la life. Et si tu connais, y'a rien à faire. Prépare tes affaires, on met les voiles. Besoin de faire la fête à Pattaya. Au quartier c'est la merde. Oui viens on se fait la malle. Au calme en bord de mer. Quand on kiffe la Rai suprême, on est deux heures sur Skyrock. Prépare tes affaires, on met les voiles. Besoin de faire la fête à Pattaya. Pattaya on arrive. T'es pas prêt, tu connais pas le délire. À la cité tout part à la dérive. Tu ressens la cernie sur la tête à Karim. Changement de décor. On se casse à l'aéroport. Vas-y prends seulement ton passeport. On va, fuck, on va, fuck, on va, fuck oh. À peine arrivé, je veux plus rentrer à la maison. J'parle français, anglais ou thaïlandais avec l'accent. Tout est contrefaçon. On s'en bat les couilles de toute façon. Loin de tous mes ennemis. Tu peux pas comprendre car tu connais pas nos vies. Au quartier c'est la mer. Oui viens on se fait la malle. Au calme en bord de mer. Quand tu kiffes la life. Et si tu connais y'a rien à faire. Prépare tes affaires, on met les voiles. Besoin de faire la fête à Pattaya. Je connais le phénomène, ça va toujours l'élégance. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Et peu importe si tu m'aimes, mon cœur se tourne en montant. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît, je te dérange. On s'enchaîne sur tes DJ case. À fond dans la caisse, à fond dans la tête. T'es les charges sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Oh les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses, nous on fait lever la foule. Bouge ton bassin sur l'épaule, c'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon phone, mais ton père me regarde chelou. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça à faire, moi, allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. J'ai besoin d'elle, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit, j'ai besoin d'elle. Couper mon fun et me barrer tout l'été. Pour me faire prier et voir mes potos kiffer. L'odeur de la dendrier. La beauté marocaine, c'est s'habiller. Personne ne peut l'intimider. Elle a le caractère et les hommes l'aiment. Impossible de la draguer. Elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Rai suprême, minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. En beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines, beauté marocaine. En beauté marocaine, beauté marocaine. Toute belle au naturel. En beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Beauté marocaine est une princesse. Du nord, sud, est à l'ouest. Dans tous les mariages, elle rend fou les hommes. Danse comme une vraie déesse. Elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Toute belle au naturel. Toute belle au naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Beauté marocaine. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Toute naturelle. Toute belle au naturel. C'est comme ça qu'on les aime, nos beautés marocaines. C'est les blanches de Bali. Arabian girl, c'est qu'elle est jolie. Danse toute la nuit, danse. Faut prestiger comme le Black Pearl. À la recherche du real love. Tu veux te marier, pas de mari, pas de love. Elle fait son entrée dans la chicha. Elle excite tous mes louftos. Un conseil devant mes losas. Faudra pas que tu louves trop. Fraîche, je te l'ai dit, 18 ans tu fais la lady. Arrivé à 30 piges, tu sais que sans tes manières tu peux être ma baby. Mais t'en fais qu'à ta tête, tu marches comme une loulée. On ne se coupe pas un arbre qui n'a pas de fruit. Si t'étais inintéressant, t'es bon, on t'aurait fui. Si les rappeurs t'attaquent, c'est que t'as arrêté tes cuites. Personne n'est parfaite, même qui mise ce maquis. We don't die, watch the body. Arabian girl, c'est qu'elle est jolie. Danse toute la nuit, danse toute la nuit. Arabian girl, est dans sa folie. Elle joue pas dans notre cour. C'est le code de la basse-cour. On lui tourne autour. Arabian girl, porte un fric à ton coming in, the perfect coming in. My white girl got me turned up on the same scene. The thing is kicking in, the same just went in. I don't know how I'm getting on from this bitch. Damn, I polish in the jaw to this bitch. Fuck it, I just go home with this bitch. To this bitch, to this bitch, to this bitch. If you ain't getting money, then I'll say shit. I got a white Porsche on 4G. Rachid arabe, on ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur de faire marave. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du rachet de système. Beurre et conscient de son potentiel. En France, si facile se retrouver au Hebs. Halafi, on tremble dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflé, toujours à l'affût, vicieux d'El Spa. La débrouillardiste ça, c'est le coup de grippe, rachet de système. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois c'est fatal, ça semble interminable comme les djifadas. Avec les moyens du port dans tous les domaines, on a la hache, t'as les draps, bendo. Et si on tourne au vert aux critiques, poteau. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien le vaut. C'est la rachet de système. When I'm the c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Avec tous les sons du moment. Ma, ma, ma, ma, ma. Comme jamais, ça fait

Salut tout le monde, c'est DJ Kays. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour High Supreme. Marchand d'amour, rempli d'ennui, femme légère, top modèle, belle de jour, vit la nuit. Elle aime trop ça, les gros losas, rouge à lèvres, bouche à rissa. Fille facile, talon aiguille, par ici, elle aime trop ça. Check it.

l'Algérie. Algérie. Algérie. Maroc. Maroc. Morocco. Tunisie. Tunisie. Tunisie. Jusqu'au bout de la nuit. J'ai fait ça. Comme tous les dimanches soirs sur Skyrock, déjà la première partie ouais. d'émission hein, passée. Ouais, ouais. Peut-être aussi faire un point, puisque Kaze, on l'a pas fait depuis un moment sur ouais, les soirées. Un petit moment, ouais. En même temps, t'as fait des allers-retours entre ici, la Thaïlande. Thaïlande, et ouais, c'est donc un big up à tous ceux qui sont en Thaïlande. On t'a vu sur des Insta avec des Lady Boy, en fait. Non, c'est pas pour moi. Je me demande d'ailleurs si tu joues pas un moment dans Pattaya. Non. Le film qui est sorti mercredi, film Skyrock. D'ailleurs, je l'ai vu, il est super marrant. Il démonte, hein, dans tous les sens du terme. J'ai même envie de le revoir une deuxième fois. Eh ben, va le revoir une deuxième fois et dis-nous plutôt où est-ce que nous on pourra te voir aussi. Alors là, je fais des soirées, mais sans Lady Boy. C'est vendredi 4 mars, je suis au Select à Paris, c'est à Porte de Gentilly. Le 5 mars au Bim Kim, c'est à Paris. Le 11 mars à Paris aussi au Palais M, c'est à Porte Maillot. Le 12 mars à Tours, près de Tours au Vegas. Voilà. Et bah écoute. Les réseaux sociaux, ça n'a pas changé. La page fan Facebook DJ Kaze, le Instagram, Twitter, Snapchat, Periscope pas encore. Ça va venir. Ça va venir. Quand on aura des choses à balancer, ça viendra. Je pense, ouais. Ça viendra. À mon avis, ouais. Et le, bah, n'hésitez surtout pas encore il y a le titre DJ Kaze et Gradure, voilà. Que le serré qui est. Est-ce que ça, j'allais en parler. On l'a écouté là, on le réécoutera peut-être avant la fin de l'émission. Ouais, c'est aussi. Ça, ouais. On va le Donc remettre. Donc, ça, est-ce que c'est le, on peut dire, le coup d'envoi? C'est le coup d'envoi du nouveau projet. Du projet, ouais, qui va sortir avant cet été. Donc ça sera pas pareil en New York, ça sera un autre. Ça va être changé. Okay, un petit changement. Voilà, on est en train de voir pour, parce que ça va, par rapport au contenu. Paris, Oran, Bangkok. Ce sera le nouveau projet. Featuring Lady Boy. Non, t'es en train de bosser dessus en tout cas. Voilà, on est en train avant de l'été. Bosser. Ça va, là, ça sortira avant l'été. Et là, il y a pas mal de beau monde dedans. Et on vous en dira plus dans les prochaines émissions. En tout cas, ça promet. Eh ben, merci et on continue. Yes. Nouvelle session de DJ Kaze. Allez. Mamacita de la Rosa, une jolie beauté comme Rosa Acosta. Rice Supreme, minuit 2h avec Fred et DJ Kaze sur Skyrock. Elle est chevrée, c'est de la peau frais. C'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma chantier, moi je suis ton tchaoud. J'ai fait des fois dans ma vie, mais oublie mon parcours. J'serai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, mais s'aimer. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Tellement de soucis dans la tête et ce moment jaillait. Dans un océan de billets, je vais de me noyer. Rosa dans ma tête, je l'ai côtoyée. Depuis qu'elle est partie, je l'ai pas oubliée. Elle a bousillé ma tête et mon esprit. Mon cœur s'est ouvert à cette mélodie. J'suis condamné à rapper ma vie, mon vécu. Car niveau sentiments, j'suis maudit. Oui, j'suis un artiste, je sais qu'est-ce que tu croyais. On peut pousser la mêlée, on fait pas qu'aboyer. J't'avoue, j'ai volé pour payer mon loyer. Mais j'ai de la culture, j'ai ouvert mon cahier. Un cœur de pierre fait en béton armé. Trop de femmes ont déçu, poteau, j'peux plus aimer. Me suis juré d'avancer, réussir mes projets, n'pas louper le corps. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rail suprême, minuit 2h. DJ Kaze, ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock, DJ. Rappers. raconter. Ils savent tous que je suis coté. Dis seul c'est ce que j'ai de côté. Buto à tout me faire, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au colloque avec moi-même, dans ma tête, je passe quatre fois. J'ai plus trois verres, je voyage toute ma terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'une bonne quand je lève mon machin. Je prends un selfie, je leur dédie casse. Pour l'instant, je suis sur la piste. Nos platines, c'est DJ Kaist. Je suis en amie avec Natacha. Ce qu'elle kiffe c'est les chichons. Avec Aïcha Andesha. Des gamelles d'air, top chef, big frappe de 30 mètres comme Yaya Touré. J'arrive toujours à l'heure où les gens sont bourrés, vitres et lunettes fumées. Au feu rouge, je donne toujours une petite pièce sur une plage. En Espagne, je fais la sieste. On fracture les portes en parlant code. Parlons euro, parlons business, parlons d'or. Je n'ai pas vu le talent, je fais de là où ça parle galage. J'suis perdu, je suis en décalage, je finis riche dans un palace. Rime cadoul, t'entends le son, tes genoux nés. Comme ce mec qui rote son cagoule pour fumer. Oh les man, j'suis avec ma team sur Panache. J'vis, j'vois, j'ai mal pour oublier, j'fume le cas. DJ Guy, ça tôt, t'as pas la tête même côté. Tu veux te faire une place, mais c'est pas le boycotté. J'ai les idées en place, parfois je dérape. Trop de changement d'humeur dans mes attitudes. Je suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit Anja et toi. Je suis perturbé, je m'évade dans mes pensées. Je suis trop préoccupé, je suis comme ça. Une envie de faire un murder. Je suis perdu, je vois des choses qu'il faut pas. J'ai vraiment peur de faire un faux pas. Dites-moi ce qui ne va pas. Diesel. Dites-moi ce qui ne va pas. DJ Case. Dites-moi ce qui ne va pas. Rimka. Dites-moi ce que je me crois pas. You. Depuis que je suis tourné. Baby, habibia, j'ai les idées en place. Parfois je dérape trop de changement d'humeur. Dans mes attitudes, je suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enjaille toi. Je suis perturbé, je m'évade dans mes pensées. Je suis trop préoccupé, je suis comme ça. Écoute le son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Yeah, je me concentre dans tes bras. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais. DJ Kays, ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Please, ma belle, fais un signe au serveur. Tous nos verres sont vides, vides, vides. On réveille à 15h, ça où je t'ai pas rappelé. Mais personne te valide, vite, vite. T'as kiffé la serveuse, t'as pas laissé de pourboire. Car tes poches sont vides, vides, vides. Je me barre d'ici, j'ai pas le temps de parler. Désolé, je suis speed, speed, speed. Tu fais pitié, fais pas la resta. La soirée est naze, désolé on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des filtres, comme sur Insta. Tu fais pitié, fais pas la resta. La soirée est naze, désolé on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des filtres, comme sur Insta. Ils ont voulu nous tester, Royal à Easter. Moi j'paie toujours mes dettes comme à Lannister. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Sous la danser. Cabaret, cabaret, s'habille le ballon de la carabina. J'fais danser les amis, rachadou, j'ai même Katarina. Hey, wa, yas dans la poche, on est là. Mon son tourne dans les caisses et dans les bois. J'suis dans mon bolide. Chemise hawaïenne, je suis à Marseille, lunettes personne, je fais mes affaires, besoin de personne. Demande à bouche ta numéro 1 dans le high game. Dans mes showcases que des bombes qui se ramènent. Je fais mes khalis, d'Edes, n'est pas la haine. Maroc, Algérie, Tunisie, c'est la même. Je suis dans mon bolide. Que ces amateurs, comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la fête? Tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas la tête. Je vais te faire planer même sans pilon, enfoiré. Pas la même planète, pas le même filon, enfoiré. Aucun mytho, dis-leur que chez nous y'a aucun mytho. Aucun mytho. Dis l'air que chez nous y'a aucun mytho. Dans mon secteur gros ça écoute tout. Y'a des braves, des traîtres et des poupous. Elle aime les pigeons et les toutous. Y'a par lui elle sort un pou dans la foufoune. J'suis le Sky Rock. Mais non. n'ont pas le charme du ghetto. Dans la rue ça part plus vite, flic, bang. J'suis pas un boys band ni un gangster. Les jaloux font les dingues, savent devant qui est cancer. Mande aux Zoulous d'être sincère, tant qu'à faire. Mande un libéral qui se insère, légendaire, légendeur. Je suis tout ce que j'endure, en temps d'air. Il porte un string dans mon flingue, c'est un joueur en dur. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. شحكية الحالة قطعت بحور ثماني دور والغربة قد تالا إن بكي نشكي وأقول على شحكية الحالة بركاني العالي من اللي تحداني يغلب براني كي دير أنا فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي مهدى أنا بركاني العالي من اللي تحداني يغلب براني كي دير أنا فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي مهدى أنا بلادي قمرة شحالة أنا فرح أنا غني أنا نطير كي الحمامة يجي يوم سلهوم بلادي قمرة شحالة أنا فرح وأنا غني أنا نطير كي الحمامة بلادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها أنا راس ولادي ما ننسى بلادي سهر ربي ونغدى أنا بلادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها أنا Entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans le sang. Comme dans le sang, puis en sang. J'ajuste la crosse en dansant. Pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vis, ils veulent donner des ordres. Y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes on s'éternise. On prend pas mal et Dieu râle. Nos réputations sternisent. C'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Je menace pas après, je m'en irai. Vivant, limpide, vent, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoie l'histoire. On s'en pétard, les clés qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant. On rentre en France, on les tient là-bas. Et ce qu'on fait à Dallas Lee, tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husni. Je suis venu. قدر نابوليطانو لك رهنا يقاري خلي العديان يقولوا لحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو من صوري سوفري كابر نابوليطانو لك رهنا يقاري خلي العديان يقولوا لحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو عايش في ألجي وهرن ولا ميلانو ريسكي ونبوجي العقلية الباتشينو عايش في ألجي وهرن ولا ميلانو ريسكي ونبوجي العقلية الباتشينو Je cherche que l'amour qui te connaît.

Yeah.

Ça coule dansant comme dansant, pensant. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vis, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on croit pas valer du râle. Les résultats sont sternis, c'est des meufs qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Tu menaces pas, après je m'en irai. Vivant, limpide, vont garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoie l'histoire. C'est un pétard, les clés qui entrent. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tiers là-bas, et se confient à Dallas Lee. Tu sais que le chef du chef, il s'appelle Husni. Cette ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Yeah. Ces Taliani. C'est bon. Écoute. Et Alba Bour, y'a mon amour. Kharjni m'a la misère. Moi je suis de Kabylie-Fornie, on fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, mais Ali, j'ai rien à perdre. Rimkal, malade mental, plus connu que le Hedge, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme chef Hesni, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, fais Boston ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarman, lève-toi et danse. Sans ses plaisirs. Et à Babour, et à mon amour, Kharjni m'a la misère. Minuit 2h dans Rail Suprême sur Skyrock.

shit system. Écoute-moi, oh. suprême. Elle a dit garde tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب sur Skyrock. Salut, c'est DJ Kaze, on se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rise Supreme. Skyrock. T'es invité au mariage du plus frais et de la plus fraîche. En mode oriental, palace, Dubaï, Marrakech. Bugatti, Bentley dans le cortège. Escorté par la pègre, bébé, que Dieu nous protège. Fuck mon ex et ses sortilèges et le cœur lège. Les anges nous enveloppent, ça vaut ce privilège. Prends ce billet de 500 pour essuyer tes larmes. Ta robe tue, elle est aussi blanche que mon arme. Ton mari vient de la rue, le costard taillé par une lame. On l'appelait déjà monsieur, demoiselle devient une dame. T'es plus une gamine, sape tes clubeuses de copines. Orgueilleux poussier à la nicotine. Fais-moi confiance, tiens mon code PIN. Si tu me réveilles pour prier derrière moi, je dirai amine. Tu veux un enfant de moi, faut que t'en restes digne. Pour les jours où notre mariage aura une sale mine. Rock avec à l'instant DJ Kaze pour déjà la dernière session. On s'est remis le son avec Gradure, là, collé serré. Le type collé serré. C'est ça. N'hésitez pas à le pécho pour ceux qui l'ont pas encore sur iTunes. Et il y a le clip qui est dispo, le clip tourné à Miami, qui est dispo sur YouTube. Et ben, n'hésitez pas à les guetter. Voilà, voilà. Et Kaze, tu reviens la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Bah, bien sûr, ça c'est sûr. À pas louper, prochain Rail Suprême. D'ici là, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et pas mal à Paris en soirée. Ouais, et Tours aussi. Tours aussi, ouais. Voilà, donc tout sera sur les réseaux sociaux. Merci Kaze. Merci à vous. Ciao ciao, bonne nuit à vous tous. Merci de veiller avec le son de Skyrock. C'est reparti rap R&B en non-stop. Du rap et du R&B. Turn it up.